Exercice 8, page 112. Virelangue. Plus de pluie, plus de bruit. Plus de pluie, plus de bruit. Plus de pluie, plus de bruit.